cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, rawa Jabir ibn Abdillah رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Le dernier chapitre de cette risala, c'est un fasl fi fadl al-ittiba', et les mérites du suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Al-imam al-Maqdisi rahimahullah fi hadha al-bab, il a cité plusieurs ahadith des athar an al-sahaba radiyallahu anhum an al-a'imma sur les mérites de suivre al-sunna et les mérites de suivre al-Qur'an. Fa naqra et nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Qala وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض سأمة contre البدع والمحدثات أي les choses inventées في الدين. والعلماء يقولون وينبهون هنا يفعل غمر أن à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il n'y avait pas de bid'ah. Tous les croyants à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام c'était des compagnons du prophète et ils le suivaient. Tout ce qu'il disait le prophète عليه الصلاة والسلام ils le suivaient. Il n'y avait pas de bid'ah. Il n'y avait pas d'invention. Les bid'ah c'est venu après bid'ah al-khawarij et bid'ah al-qadariyya, après bid'ah al-jahmiyya ou al-murji'a إلى آخره. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته, souvent dans الخطبة خطبه الجمعه par exemple, et citer هذا الكلام اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اي الحق اللي في القران والسنه لا ميور فوا سي لا فوا دو بروفيت عليه الصلاه والسلام ثم يمت ان غارد كونتر البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ميور غارد كونتر البدع والمحدثات لي شوز انفونتي في الدين. ça ça nous prouve ان ce qui est interdit dans notre religion c'est les inventions في دين الله. Et vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec un moyen, une façon, une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais montré, n'a jamais fait, il n'a jamais dit. Là, il joue. Même les inventions fait dunya, tant que ce n'est pas une chose qui fait du mal, si c'est une chose qui est utile pour un musulman, falhamdulillah. Qala, thumma yaqul, ubu'ithu wa sa'a ka hatayn, wa kana idha dhakara sa'a ahmarrat, وجنتاه نعم قال وكان إذا ذكر الساعة مرت وجنتاه قال وعلى صوته واشتد وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم صبحكم مساكم. نعم هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أنه كأنه il prévenait qu'un ennemi il allait les attaquer. ça nous montre qu'il avait un certain ton في الخطبة عليه الصلاة والسلام. ça c'est من الأدلة أن الخطيب يوم الجمعة c'est pas من السنة quand il récite des versets du Coran أنه يتلو التلاوة comme dans الصلاة il embellit sa voix comme dans الصلاة. بعض الخطباء ils font هذا. الصحيح سك سبا من السنة. الدليل سهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتع على هذا الحل. il avait un certain ton comme s'il est prévenu qu'un ennemi il allait les attaquer. فلا شك في هذا الحل تقع un certain ton tu vas pas psalmodier le Coran. فهذا الصحيح أن في الخطبة الخطيب يرسيت القرآن quand il récite des versets du Coran normalement sans embellir sa voix. والله أعلم. ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا كأنه نعم في الحاشية صغارا قال فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار. قال في الحاشية هذه لفظة شادة ثم إلى ستة كلام طويل. ثم قال وروى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مرة les a conseillé et il leur a cité c'est un être humain comme eux et à tout moment رسول ربي قال أي un ange أي l'ange de la mort à tout moment il peut venir récupérer mon âme. Et il leur a montré qu'à tout moment, ils pouvaient mourir, alayhi salatu wasalam. Enfin, il les a conseillés. Ta'alamoun, on a celui qui pense, ceux qui ont atteint un certain âge, il peut mourir à tout moment, plus rapidement que les autres. Ouais, là, tout le monde peut mourir à tout moment. Là, celui qui est malade, qui a atteint un certain âge, il y a plus de possibilités. Enfin, il faut conseiller. Conseiller ses enfants, conseiller ses proches. Enfin, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, فأجيبه أي أنه يردّ au messager d'Allah qui viendra récupérer son âme أي l'ange de la mort. قال وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ومن استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات رواه مسلم. Et à l'hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura conseillé de s'accrocher au Coran al-Karim, et de suivre le Coran al-Karim. Man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana 'ala al-huda. Ça nous montre que le huda c'est dans le Coran et c'est dans la sunna. Comme تقدم معنا, khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre que notre islam, notre din al-islam, il est complet. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose. Enfin, celui qui veut faire des efforts fait l'ilm, qu'il apprenne le Coran. حفظاً وفهماً تفسيراً إلى آخره. كذلك il apprend سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et bien sûr, auprès de أهل العلم, avec des moutons, avec des livres simples au départ. C'est ça le dîn. Amma, chacun, il invente, chacun, il cite, chacun, il instaure des règles. Chacun, il accepte ce qu'il veut, rejette ce qu'il veut. عيادن بلا بعضهم. Ils veulent propager un islam qui ne contredit pas la situation des ennemis de l'islam. C'est pas ça le haq. Le haq, c'est fait le Coran. C'est pas nous. Ou plutôt, c'est pas les textes qui doivent s'adapter à nous. Là, c'est nous. On doit s'adapter aux textes, au Coran, au sunnah. Ce qu'on appelle l'islam. C'est ça, l'islam, se soumettre. Vous avez remarqué, ils essayent d'adapter les versets du Coran, les hadiths, à sur ce qu'ils pensent eux. C'est pour ça qu'ils déforment, ahyanan ils dha'afent certains hadiths, ahyanan ils ne citent pas tout. Limada, l'anna din Allah, il est complet. Si tu le suis, les ennemis de l'islam, ils ne seront pas satisfaits. Walan tarda anka al-yahoud, walan nasara hatta tattabi' millatahum. Ça, c'est une règle qu'il ne faut jamais oublier. Tu veux suivre din Allah, les ennemis de l'islam, ils ne seront pas d'accord. Si les ennemis de l'islam ils sont d'accord avec ton dîn, il a arrêté. Imma, ils le suivent. S'ils ne le suivent pas, il y a un problème. Qala, wa rawa al-Irbad ibn Sariyah al-Sulami radiyallahu anhu. Qala, wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan baligha. Darafat minha al-uyun. Ay dam'at. Quand ils ont entendu ce rappel du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pleuré radiyallahu anhum. Kadhalik, c'est un rappel qu'il leur a fait. À la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam. Wajalat minha al-qulub, ay khafat. Faqala qailun ya Rasulallah, ka'anna hadhihi maw'idhatun muwaddi', famadha ta'had ilayna. Ils ont compris qu'il allait bientôt partir, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont demandé un conseil. Qala usikum bi taqwallah, ta'ala was-sam'i wat-ta'ah. إن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم الحديث تقدم معنا في الأربعين النووية أي للصحيح. وصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. Ça c'est wasiyat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si tu prends cet exemple, les gouverneurs, l'époque où on vit, l'époque où on vit, Tu as deux extrêmes. Certains, ils disent que c'est des kafaras, matalan, et ils appellent à la révolte, ils l'appellent. Tu trouves un autre extrême, Obama, ils appellent à juger par autre que les lois d'Allah, Obama, ils parlent en bien des kuffars, ils l'appellent. Tu as le juste milieu, le sunnah. Si c'est le gouverneur, c'est un kafir, un juif, un chrétien, il a akhiré, il le déteste, il l'a. Si c'est un musulman, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans exagérer. C'est quoi qui nous permet d'avoir ce juste milieu? Le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé dans un hadith de se rebeller? Abadan. Si c'est un musulman, on parle. Abadan. La yajouz. La bout de sabr. Amma, si on vient délaisser les textes, on sera pris par nos sentiments, par la colère. Par Obama, des choses, au lieu de patienter, on ne patientera pas. Dans les pays musulmans, combien de dégâts à cause de le fait d'ignorer ce asl, c'est un fondement dans l'aqid. As-sam' wa ta'a. L'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, il n'a pas cité dans cette risale, mais ça viendra, inshallah, dans d'autres livres. Et taqaddam ma'ana, kathira. فانظروا combien de fitna, combien de khilaf, combien de divisions sur le sujet des gouverneurs. Bardom, ils disent qu'il faut manifester, Bardom, ils disent qu'il faut se rebeller, Bardom, ils disent qu'il ne faut pas se laisser faire. Et combien de problèmes à cause du printemps arabe, il a akhiré, jusqu'à l'heure où on parle. Certains pays, il y a billah, la division, et la rébellion et les manifestations. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, wa sikum bu taqwala, wa sam'u wa ta'a. Obéissez, écoutez. Wa in ta'amra alaykum abdan habashiyan. Tant que c'est un musulman. Comme dans d'autres hadiths, même s'il te prend ton argent et te frappe le dos, la patience. L'imam d'Aliana, ce n'est pas une solution de se rebeller. La rébellion, ça ne fera que rajouter de la division, que des problèmes, que du mal. Alors que celui qui patiente, Yom al-Qiyama, si le gouverneur ou autre il a été injuste envers toi, Yom al-Qiyama, c'est le jour de justice. Les comptes, tout le monde rendra des comptes, gouverneur et gouverné. Lakin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la solution pour ne pas tomber dans le fitna où Ba'd al-Nas la yafhamou. Ba'd al-Nas, ils pensent que le sunnah, quand ils disent il faut obéir, écouter, ils pensent que tu es d'accord avec les erreurs ou les égarements ou l'injustice. Abadan, on n'est pas d'accord. Lakin Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la solution. Matalan wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, c'est de l'injustice. Quelqu'un qui te prend ton argent et qui te frappe sans aucune raison, c'est de l'injustice. Lakin avec le gouverneur, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la patience. L'imad, le fait de se rebeller, ça va emmener un mal plus grand. Alors que si tu patientes, tu récupéreras tes biens. Alakin, ba'dan nas, iyadan billah, ils ne veulent pas le haqq. Et c'est des ignorants et ils suivent leur passion. Enfin, le domaine des gouverneurs, il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Madhab al-Sunna, il est clair. Tant que c'est un musulman, as-sam' wa ta'a. Et on patiente, et on fait du'a. قال ما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنه والسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح. نعم. ما يتعلق بالخلفاء تقدم معنا dans le درس précédent. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre le bid'a, et on en a parlé walillahil hamd au début du dars. قال ورواه ابن ماجه وفيه وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. La voix du prophète صلى الله عليه وسلم elle est claire, comme a dit le hadith, de jour comme de nuit. Sahih. T'as un délil fait. T'as un délil qui ordonne une chose, fait. T'as un délil qui t'interdit, écarte-toi. Tu sais pas, t'as un doute, écarte-toi des doutes. Tu ignores, demande. Demande aux savants, fais-le ou ahl al-dhikr. Haqiqa, c'est très simple. Et la voix, elle est wadiha. Prends l'exemple des nourritures, c'est clair. La base, c'est que la nourriture, c'est halal. Les choses qui font du mal, écarte-toi. Les choses haram, écarte-toi. L'alcool, la viande de porc, et la akhir, tout ça, c'est haram clair, écarte-toi. Le halal, alhamdulillah, t'as le droit. Les choses où tu as des doutes, surtout à notre époque, il y a des doutes, écarte-toi dans le halal, alhamdulillah, kifaya. écarte-toi des doutes. D'a'ma yaribou, qu'il a mal à yaribou. Tu verras que le dîn, il est très très simple. Ça, c'est le domaine de la nourriture. Le domaine des vêtements, c'est la même chose. Le domaine du travail, c'est la même chose. Chaque domaine, c'est comme ça. Et tartar, dînullah, il est kamel. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré tout ce qu'on a besoin pour notre dîn. Lakin, ce qui fait du mal, c'est at-takalluf. Essayer de chercher des choses. L'insan n'est même pas concerné par une chose. Avec la curiosité, il s'impose des choses et il se fait beaucoup de mal. Kadalik, fréquenter l'ashrar, ça fait du mal, fréquenter les mauvaises personnes. قال وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزغه إلا هي نعم أي الدنيا نعم إلا هي أي الدنيا قال وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء رواه ابن ماجه سو حديث قال في الحاشية ضعيف أي حديث أبو الدرداء لا شين ترانسميسيون فيها ضعف وإلا فسو حديث كما بين المحقق إلى beaucoup de شواهد beaucoup de حديث qui vont dans ce sens, comme le hadith précédent, là chacun a le sens, il est sahih. Taraktukum ala al-bayda. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire. Comment suivre cette voie claire? Avec l'ilm, la science. Apprends comment ton prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait, comment il dormait, comment il faisait salat. Qabla dhalik, c'était quoi la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a appelé à quoi? At-tawhid ila akhirah. Et tu le suis. Si tu ne sais pas, demande. Ne te précipite pas. Ton objectif, ça doit être hada. Et tu verras que la voie, elle est vraiment claire. Walillahi alhamd. Qala urawa Abu Huraira, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni qad khalaftu fikum ma lan tadillu ba'dahuma ma akhattum bihima, au amiltum bihima, kitabullah wa sunnati, walan yaftayqa hatta yarida alayya alhawd. Rawa Abu al-Qasim al-Tabari al-Hafidh fi sunan. قال في الحاشية ضعيف قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته إنما أنا متبع ولست بمبتدع قال حسن نعم إنما أنا متبع نعم إنما أنا متبع نعم سواء متبع لا متبع أي جسوي إنما أنا متبع ولست بمبتدع هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي قال إنما أنا متبع أي je suis ولست بمبتدع j'invente pas et ça doit être الحقيقة le principe de chaque musulman en tant qu'être humain en tant que croyant Allah il nous a ordonné de suivre يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول dans l'autre verset وما آتاكم الرسول فخذوه. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a dit, prends, t'as rien à inventer. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Fal-islam c'est dinullah et il est complet. T'as rien à ajouter. Mushkila al-an, c'est par exemple, qu'an al-islam c'est pas suffisant, ils veulent rajouter. Tu prends n'importe quel domaine. Si on prend l'exemple, le comportement avec les kuffars qu'on a cité tout à l'heure, dans l'islam il y a tout. Islam il y a tout. Il faut les détester sans être injuste. Il faut aimer ses frères musulmans. Il faut avoir un bon comportement. Il a créé. T'as pas besoin d'inventer. La nourriture, il y a tout. Comment faire la salat, il y a tout. Fi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu as la description de salat du début jusqu'à la fin, en détail. Walillahi al-'alam. Et le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il prouve ça. Des hadith du début dans chaque mas'ala. Walillahi al-'alam. Pourquoi inventer? T'as pas besoin. Suis, faqat. Fais des efforts. Autant que tu peux. Si tu peux pas, tu as une faiblesse, tu es incapable de faire telle chose, tu es excusé. Tu t'es trompé, at-tawba. Et délaisse cette chose. Et suis le haqq. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضت لكم الفرائض والسنة لكم السنن وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. أثر جميل. قال صحيح، رواه الإمام مالك في الموطأ. قد فرضت لكم الفرائض والسنت لكم السنن. الله سبحانه وتعالى نوزع أغدوني دي شون دوتر شوز سي ركوماندي وتركتم على الواضحة. Ça c'est une explication في الحقيقة du love تركتكم على البيضاء. البيضاء ça vient de البياض, la blancheur, quelque chose de blanc. Tu dis thiyab bayd, il y a un habit blanc. فالبيضاء c'est une référence au blanc. لماذا؟ لأن le blanc c'est clair. مثلا quand il fait jour c'est clair, c'est pas comme quand il fait nuit l'obscurité. وهنا عمر رضي الله عنه قال وتركتم على الواضحة. C'est une explication du hadith. أي vous êtes sur le chemin clair, واضح. قال إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. Sauf celui qui veut suivre les avis des gens. كما قال عمر un coup à droite un coup à gauche. الحق الواحد la voix du Prophète صلى الله عليه وسلم c'est une voix. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي. أي c'est la même معنى que le كلام de Abu Bakr. إنا نقتدي ولا نبتدي أي نتبع ولا نبتدع أي on suit et on n'invente pas. ونتبع ولا نبتدع c'est هذا إلا السيتي رضي الله عنه ولن نضل بما ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم الحديث الأثر il est ضعيف لكن لا شك أن المعنى il est جميل il est صحيح le sens il est طيب et il est correct. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. Tant qu'on s'accroche au texte, Coran, au Sunna, la voix des salaf, بإذن الله on ne s'égarera pas. Ce qui égare les gens, c'est les inventions. C'est le fait de délaisser le Coran ou le Sunna. قال وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث اللي في الصحيحين. فسألت الزهري رحمه الله ما هذا؟ فقال من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أمر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. نعم قال ضعيف أثر إلى ضعيف. وعلى كل حال نعم الإنسان يدوى أكسبتي الأحاديث من سي أحاديث كي مثلا واحد لا با كومبخي لو سونس أو يي بونس كي ان كونتراديكسيون دوى سو روميت ان كوز نو سي الحديث إلى صحيح إلى صحيح إلا شك سي الحق لكن tu as le droit de demander. Tu demandes l'explication, tu fais des recherches, hatta tu trouveras le bout de la parole d'un savant qui éclaircit le sens et tu verras que c'est clair. قال وفي رواية بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها. نعم ils ont accepté tous les hadiths ولا شك. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها. تأملوا هذا الكلام. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله الإمام المصلح إمام كبير قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سننا أي كم ضر الحديد عليكم بالسنة والسنة والسنة الخلفاء الراشدين أي la voix du prophète صلى الله عليه وسلم et la compréhension des califes guidés des compagnons. قال الأخذ بها تصديق لكتابه واستكمال لطاعته. Celui qui veut atta'a et il veut se soumettre, qu'il suive la voie de ha'oula. وقال ليس لأحدٍ تغييرها ولا تبديلها. Personne n'a le droit de changer, de modifier, de falsifier, de iyadan billah, de déformer. Là, il y en a بعض الناس, dès qu'ils n'arrivent pas à faire une chose, ils déforment ou ils démentent iyadan billah. Si tu n'arrives pas à akhil karim, tu reconnais que cette chose de notre dîn, c'est la vérité. Si tu ne peux pas appliquer, enfin, tu es excusé. Mais vouloir adapter les choses par rapport à nos faiblesses, comme il se passe là, ta'lamoun anna al-ba'd, iyadan billah, ils appellent à modifier certains jugements du Coran. Matalan, couper la main du voleur. Matalan, lapider celui qui a fait l'adultère, il a akhri. Ça, c'est min sunnat nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est fait le Coran karim. C'est la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a appliqué ces choses. À notre époque, c'est applicable. Lakin quand on s'est éloigné de notre dîn, on a faibli, on a du mal, mais on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas adapté. Là, le problème est bien de nous. Enfin, nous, maintenant, on vit dans un endroit où ce n'est pas appliqué, lakin on dit c'est le haq. C'est le haq, et qu'Allah nous pardonne nos faiblesses, et qu'Allah guide les gouverneurs. Amma dire là, là, on vit à une époque, on est au 21e siècle, et les temps, ils ont changé, là, ils rajoutent c'est de la barbarie, c'est plus adapté, c'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam. L'imad, c'est la voix du prophète, on n'a pas de choix. Ta'ammalou, ça ne veut pas dire que celui qui déce une chose de la voix du prophète, il sort d'islam. Là, lakin celui qui dément, qui dit là, c'est plus adapté, c'est de la barbarie, il sort de l'islam. L'imad, c'est un acte du cœur, ça ne te prend rien, tu dois accepter. Amma, faire, c'est autre chose. Lakin, ba'd an-nas, iyadun billah, al-an yata'anoun. في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نسيت précédemment قال ولا النظر في رأي من خالفها كلام جميل si quelqu'un contredit le haq qui qu'il soit t'as pas le droit de prendre son corps même si c'est un proche même si c'est ton cher même si c'est a'lam ahl al-ard مثلا celui qui a le plus de ilm à notre époque cher foulain même si c'est lui la yujouz Il s'est trompé. C'est un être humain. Ta'zim ou le haq, c'est wajib. On n'a pas le droit de mettre au même niveau que le haq, autre que le haq. Ça, c'est pas permis. La vérité, c'est la vérité. Qala, faman iqtada bima sannu hdada, wa man istabsara bima biha basar, wa man khalafa wa taba'a ghayr sabil mu'minin, wallahu allahu ma tawalla, wa aslahu jahannam, wa sa'at masira. Iyadam billah. Enfin, contredire les textes, c'est pas simple. L'insan, il fait le dua, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala thabat, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui facilite, il fait des efforts, il ne se précipite pas. Attention, kadalik, à l'orgueil. Il y en a le ba'd, il rejette le haq, limada, il y en a, c'est un tel qui dit ce haq. S'il dit ce haq, il argumente avec le Coran et la sunna, même s'il y a un différent entre toi et lui, où il y a un problème, le haq, c'est le haq, on n'a pas le droit de le rejeter. Kadalik, le haq, il n'est pas restreint à une personne. Là, il faut que c'est un tel qui dise pour que c'est haq. Si c'est un autre qui dit, c'est pas la vérité. Ça, c'est le haq. Là, celui qui parle bil Qur'an, bil sunna, il a la vérité. Celui qui contredit le Qur'an ou le sunna, il a délaissé la vérité. Ah là. Wa qala al-Awza'i rahimahullah, isbir ala sunna wa qif haythu wa qafa al-qawm. وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم أثر جميل إلى صحيح أن الأوزاعي on l'a déjà expliqué ولله الحمد dans certains دروس اصبر على السنة ça nous montre أن cette voie cette عقيدة qu'il a expliqué l'imam al-Maqdisi رحمه الله la voie des salaf le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام ça demande du sabr لابد لماذا لأن كثير من الناس خاصة dans notre époque ils détestent cette voie ils combattent cette voie enfin, si tu t'accroches à cette voie ils essaieront de te faire du mal لكن اصبر dunya ça passera c'est une épreuve cette vie qu'on vit l'âne cette demeure c'est une épreuve فلاه بد من الصبر celui qui patiente pas il n'arrivera pas à grand chose celui qui patiente pas il n'arrivera pas في العلم celui qui patiente pas il n'arrivera pas à mettre en application sunna celui qui patiente pas حتى في الدنيا une petite chose elle arrivera pas فلا بد اصبر على السنه n'oublie pas l'ihtisab quand tu es accusé tu subis une injustice on se moque de toi اصبر espère la récompense من الله قال وقف حيث وقف القوم ne dépasse pas السلف رضي الله عنهم ils ont dit que Allah il a un visage Allah il a un visage ne dépasse pas قال وقل فيما قالوا وكف عما كفوا ce qu'ils ont délaissé délaissent مثلا السلف ils sont pas rentrés dans le kayfiyya comment tel attribut il est مثلا le visage d'Allah ou les mains enfin kuf arrête-toi si tu avances tu rentres dans ce sujet tu vas t'égarer ça nous montre ان الدين c'est pas بالعقل on vient une époque نحن في الحقيقه c'est l'inverse de هذا الكلام الجميل de l'imam al-Awza'i Vous avez remarqué, tout le monde dit ce qu'il veut, liberté d'expression, tu as le droit de t'exprimer. Ça, c'est l'égarement. Ça, c'est min al-kuffar. On n'a pas hada. Là, je m'exprime dans, par rapport au dîn d'Allah Azzawajal. J'ai des limites. Et je ne suis pas libre de dire ce que je veux. Abadan, je dois dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et si Allah il n'aime pas une chose, or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit une chose, je me tais. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظروا ce hadith. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour dernier qu'il dise du bien ou il se taise, hum, qu'est-ce qu'ils nous ont appris, qu'est-ce qu'ils propagent, t'es libre. T'as le droit de t'exprimer. Il faut laisser les gens s'exprimer. Ah, ben, dis du khayr, sinon tais-toi. L'imadalena, tout ce que tu dis, imma c'est pour ou contre toi. Mais vu que le kuffar, la yu'minuna bil yawm al akhir, ils disent, لكن يوم القيامة ça sera très difficile. قال وسلك سبيل سلفك الصالح. نصيحة جميلة. L'imam al-Awza'i, c'est un imam kabir. Il était à l'époque de l'imam Malik, rahimahullah. Imam kabir fi sunnah. فقال وسلك, emprunte, suis la voie des salaf. Ça c'est une nasiha, il veut ton bien. أما الآن السفهاء الجهال الضلال, ils font tout pour qu'on s'écarte de la voie des salaf. Accroche-toi, c'est le haq. Les salaf salih, c'est qui l'an? C'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. C'est Omar, c'est Uthman, c'est Ali. C'est jami' al-sahaba, radiyallahu anhum. C'est l'imam Malik, c'est l'imam Ahmed, c'est l'imam al-Shafi'i, c'est Sufyan, Ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, al-Hassan al-Basri, Abdullah ibn al-Mubarak. C'est eux, les salaf. Qabla dhalik, Mujahid wa Sa'id ibn Musayyib, immatu at-tabi'in, les élèves d'Ibn Abbas, les élèves d'Ibn Mas'ud, les élèves d'Ibn Umar, c'est haoula les salaf. Fa ba'd an-nas ka'anna as-salafiyya c'est un autre din. En haqiqa hadha c'est une les ennemis de l'islam, ils font tout pour nous écarter du haqq avec ces accusations. Qala wa qala Nu'aym ibn Muhammad, man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. هنا يسيت أثر عن حماد رضي الله عنه إلى صحيح كما في الحاشية. Pour te montrer منهج السلف في الصفات. لماذا؟ لأن celui qu'on a étudié, une grosse partie c'est sur les صفات d'Allah عزه وجل. C'est un livre de عقيدة. La voie des salaf, c'est interdit. Celui qui prétend que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ressemblent aux attributs des créatures, ou les attributs des créatures ressemblent aux attributs d'Allah, c'est du kufr. لماذا لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et لماذا لأن la créature elle a des faiblesses, des manquements, et Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait, ses attributs sont parfaits. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. انظروا منهج السلف. الحقيقة il conclut le livre avec la voix des salaf dans les attributs dans cette aqida. La voix des salaf dans as-sifat, c'est quoi? C'est تؤمن بالصفة. مثلا قوله عز وجل بل يداه مبسوطة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. Beaucoup de preuves qu'on a vu ensemble. La kayf ou la mitl. Attention à ces deux choses. Et on a détaillé wallah alhamdoulillah dans ce livre. La kayf ou la mitl. Tu dis pas comment il est son visage. L'imaz al yana, on n'a pas de ilm dans ça. Allah il nous a pas informé. Comment il descend Allah Azza wa Jalla? Allah alam, il nous a informé qu'il descend subhanallah. Comment il descend Allah alam. Kadhalik, fais attention la mitl. L'imaz al yana, Allah Azza wa Jalla il ressemble pas à ses créatures. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد من تلاميذه سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححه أبو عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله أي صحح الحديث سي حديث وقال تلقتها العلماء بالقبول تمر الأخبار كما جاءت وهذا الأثر فيه فائدة عظيمة زي remarqué que l'imam Ahmed il est revenu à كلام أهل العلم. Les savants ils ont accepté ces hadiths, donc c'est haq. C'est ça la voie des salaf. Revenir les premières générations s'ils ont accepté, c'est que c'est haq. لماذا لأن les premières générations elles se sont rassemblées sur la vérité. Si tu veux le haq, akhi al-karim, reviens à la voie de هؤلاء. ce qu'on appelle manhaj al-salaf, sabil al-salaf, et la voie des salaf. Les salaf, c'est les prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عليهم رحمة الله اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب. Vous avez remarqué que l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah الآن il cite la voix des savants sur dans la aqida, dans les noms et les attributs. Il a cité la voix de l'imam Ahmed, la voix de Muhammad ibn Hassan, un des grands élèves de l'imam Abu Hanifa, qu'il a cité le qawl de Sufyan ibn Uyayna pour montrer à tous les savants, quel madhab, quel, n'importe quel madhab, en fait, ils étaient à la aqidat al-salaf. Donc nous, on n'a pas le droit d'inventer, on n'a pas le droit de rejeter. Ils étaient à la haqq, on n'a plus qu'à suivre. قال والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا تشبيه. نعم من غير قط العلماء يجز من غير تفسير أي et on l'a vu هذا في اللومعة et on l'a vu dans كثير من الكتب أي من غير تفسير باطل أو un autre تفسير qui est contraire au ظاهر وإلا فلا شك أن الصفات لها تفسير ومعنى. أما ceux qui disent qu'il n'y a pas de معنى ou qu'on n'est pas le معنى, c'est le mot فوض. Et on détaillera هذا إن شاء الله. قال فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصف بصفة لا شيء. أي نعم. Celui qui a délaissé la voix des compagnons et qui prend qawl al-jahmiya, fala shakannahu, c'est un égarement évident. Wa qala Abbad ibn al-Awwam qadima alayna al-Shariq ibn Abdullah fa qulna inna qawman yunkiruna hadhihi al-ahadith inna Allah yanzilu ila sama'i ad-dunya wa ar-ru'ya an-nuzul, on l'a vu, et Allah y descend, wa ar-ru'ya, la vision, on l'a vu yawm al-qiyamah. Fa Abbad rahimahullah, il a demandé à Shariq, un nabadnas, il rejette ces hadiths. Aïe al-Jahmiya ou al-Mu'tazila. Qala, fa qala, innama ja'a bihadi al-ahadith, man ja'a bis-sunan fi s-salah, wa zakat, wa al-hajj, wa innama arafna Allah bihadihi al-ahadith. Ou, naam, innama arafna Allah bihadihi al-ahadith. Kalam jamil. Comment on accepte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, dans la zakat, dans le bon comportement, il a akhri, on accepte sa parole dans les sifat. Ba'dannas, maintenant, vous avez remarqué qu'il propage beaucoup les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bon comportement, sur le respect des mu'minines, sur kada, il a akhri. Thumma, certaines choses, en fait, il ne propage pas. Si tu as accepté le kalam du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bon comportement, tu dois accepter son kalam dans la aqidah, dans le tawhid. Dans telle chose, c'est haram. Wa illa, celui qui n'accepte pas tout, il manque d'objectivité, et c'est très très grave. S'il rejette le hadith alors qu'il sait que c'est un hadith et il ne croit pas, ce n'est pas un muslim. Falihada, Shariq, rahimahullah, il a cité hadith al-kalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré maintenant que salat d'ohr, c'était 4 raka'a, qu'il faut les faire telle chose. Il nous a dit kadalik, que Allah y descend. On accepte tous les hadiths. Tant qu'il est sahih. قال فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من السلف فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا. Une deuxième نصيحة رحمه الله. الآن c'est pour conclure. Il a cité cette nasiha pour conclure son livre. Anna da'iman revient au Coran et à la Sunna. Et kadhalik qawluhu wa salih salaf al-umma mimman hasala al-ittifaq. Revient kalam ahl al-ilm, les grands savants, les imams de la communauté, leur kalam il est clair. Khasatan fil aqida, ils sont tous d'accord. On revient à dire kalam et délaisse les doutes, délaisse les ondits. On vient à une époque, là, بعض الناس يدلس أئمة السنة العلماء الكبار, et ils suivent واحد ربما Robama, il n'a pas étudié. Il ne connaît rien de son dîn. Il les égare à cause de son ignorance. Qala, wada' aqwal man kana indahum mahquran mahjura, mub'idan madhura, wa madhmouman malouma. Aïe, kalam ahl al-bid'a. Les égarés, les ignorants, dès le sa d'al-kalam. Aoula, ils n'ont aucun point, on n'a pas le droit de leur donner de la valeur. On n'a pas le droit de les élever à une place qu'ils n'ont pas. Les ignorants et les innovateurs. Là, si c'est un musulman, conseille-le. Montre-lui qu'il doit rester à sa place. Amma, on suit ces ignorants et on délaisse kalam ahl al-ilm, c'est ça qui provoque la division. Qala, وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. نصيحة جميلة. Même si il parle à son époque, تعلمون أن عبد الغني المقدسي رحمه الله il est mort en 600 de l'Hégire avant Cheikh l'Islam de Taymiyyah. Ça fait des siècles. فقال أن à son époque beaucoup de gens. Beaucoup de gens à son époque, ils ont suivi ces égarés. Ne te fais pas avoir, ne sois pas leurré par le grand nombre, si c'est des égarés. À notre époque, les Asha'ira, ils sont beaucoup. Beaucoup, qui sont à la aqidat al-Asha'ira. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a montré clairement des versets clairs. Il a des attributs. Hum, ils disent là, c'est bien ma'ala kada, la taqtar. C'est des égarés, même s'ils sont nombreux. Qala faqad ruwiya an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba rawahu muslim wa ghayruh. Hala, c'est pour montrer anna al-katra, le grand nombre, c'est pas une preuve. Et le petit nombre, كذلك, c'est pas forcément le petit nombre, ils suivent pas la vérité. Al-Hujja, c'est Ad-Dali. Celui qui suit la vérité, qui suit le Haqq, qui suit le Qur'an et le Sunnah, il est sur la vérité. Bada al-Islam ghariban, au début de l'Islam, ils étaient peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Khadija, et ils étaient 4, 5, une dizaine, ils étaient à la Haqq. قال وسيعود غريبا كذلك الاسلام redeviendra غريب. Une époque viendra, ahlul haq, ils seront peu nombreux. Et on vit cette époque là, combien de sectes il a akhri qui combattent ahlul haq. فطوبه للغرباء, patiente, accroche-toi, ça passe très très vite, tu mourras. Et si tu patientes, inshallah, al-fawz pour celui qui meurt ala hadi al-aqida al-salafiyya. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل فمن الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي, رواه الجماعة من الأئمة. نعم, حديث إلى صحيح. أي دليل يمونتر أن على أمة سيديفيزي النبي صلى الله عليه وسلم إلا دوني لا سوليسيون. Un groupe qui sera sauvé. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam man ma ana alayhi, dans une riwaya al-yawm wa ashab. Et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, c'est le seul chemin pour être sauvé. Qala wa'lam rahimakallah an al-islam wa ahlihi utu min tawa'if thalatha. Une nasiha min hadha al-imam, une nasiha jamila. Ay mise en garde, ce qui a fait beaucoup de mal aux musulmans, c'est trois groupes. Et ça, c'est min al-nasiha. Vous avez remarqué que hadha al-imam, il a détaillé, ou il a résumé plutôt la aqidah avec des versets du Coran, des ahadith. Thomas, à la fin du livre, il a beaucoup conseillé de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et kadhalik, il met en garde. C'est ça le nasiha. Nasiha, si tu veux du bien à ton frère musulman, montre-lui la vérité avec le Coran ou le Sunnah. Conseille-le. Et parmi les meilleurs conseils que tu peux donner à ton frère musulman, c'est de suivre le prophète Aïssa alayhi salam, de suivre les sahaba radiyallahu anhum, de revenir aux savants de la sunna. Et كذلك, parmi les choses très très profitables, les mises en garde. La tartar, ceux qui rejettent les mises en garde. Rejettent les mises en garde qui sont fondées sur le faux, na'ad. Les mises en garde des savants de l'islam et ceux qui suivent les savants qui sont fondés sur le haq, c'est une rahma. Un, il nous met en garde contre trois groupes. Qala min tawa'if thalath. Trois groupes. Fata'ifatun raddat ahadith as-sifat. كذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار. Un groupe qui ont rejeté les sifats, عيدا بالله. أي هؤلاء c'est المعطلة, الجهمية المعتزلة. هؤلاء ils sont plus dangereux pour le mu'min que les kuffar. أما اليهود والنصارى الآن ولله الحمد, un musulman même ignorant, il sait que اليهود والنصارى ils veulent pas notre bien, c'est des kuffar إلى آخره. فهؤلاء qui ont rejeté les sifats, الجهمية, عيدا بالله, ils ont fait beaucoup de mal. قال ثانيا وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى. نعم, هؤلاء c'est المحرفة. Ils ont dit أنه c'est صحيح, ils ont accepté les textes, لكن leur passion, عيدا بالله, les ont poussés à déformer. Ils ont dit, non, le texte il est wadih, le hadith il est sahih, il est dans le Bukhari, mais le sens ça veut dire telle chose. Ahaoula kadhalik, ils ont fait beaucoup de mal à certains musulmans. Qala wa thalitha, janabu al-qawlayn, al-awwalayn, wa akhadu bizamihim, yunazzihuna, wa hum yakdhibun, fa addahum dhalik ila al-qawlayn, al-awwalayn, wa kanu a'zam dararan mina al-ta'ifatayn, al-awwalatayn. Ahaoula ka'annahum c'est le mufawwidha. مفوضة الثالثة نعم جانبوا القولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون نعم كأنهم نعم وينظر الشرح فأدوهم ذلك إلى القولين الأولين نعم فمثلا المفوضة يقولون أن التكست صحيح لكن يكونس با لو سونس يفو با رنتخي دون لو سونس ففالحقيقة ils ont fait comme les deux groupes, ils ont rejeté الصفة. فعلى كل حال ces trois groupes, المعطلة والمحرفة والمفوضة, et inshallah dans القواعد المطلة et d'autres livres on détaillera أكثر, ces trois groupes ils ont fait beaucoup de mal. على كل حال أهل البدع ils font plus de mal dans beaucoup de cas que le kuffar. لماذا؟ لأن المسلم il leur fait confiance, il pense que c'est des muslimines qui veulent vraiment son bien, il les suit et il les gare. عياذا بالله. قال فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. هذا سئن قاعدة كنفرة أنصمبل إن شاء الله في القواعد المثلى. N'importe quelle صفة que tu veux attribuer à Allah Azza wa Jalla, laboud min dalil, al-ithbat. Kadhalik al-nafi, dire qu'Allah il a pas telle chose, laboud min dalil. Et là, bien sûr, les imperfections, les défauts, on a des adillah que Allah il a pas d'imperfection. Lakin, une chose où qu'on n'a pas de délit, matalan, les oreilles. Allahu a'lam. On fait pas d'ithbat, on n'a pas de délit. Et al-nafi, kadhalik, Allahu a'lam. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend. Et d'autres choses que l'ulama cite comme exemple. À la kulli hal, si tu n'as pas de délit, tu ne fais pas de nafi ou la idbat. Tu dis Allahu a'lam. On n'a pas de délit, là je ne me prononce pas sur ça. Et alhamdulillah, tu préserves ta aqidah. قال نسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى لما يرضيه من القول والعمل والنية وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه ويجمعنا معهم في دار كرامته إنه سميع قريب مجيب وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإلى فان دعاء رحمه الله دعاء جميل. هكذا المؤمن, هكذا المسلم, هكذا السني, أنه دائما يفيد زفاق بقشرش الحق أي في الدعاء, لأن الموفق من وفقه الله. On demande à الله سبحانه وتعالى الثبات, on demande à الله سبحانه وتعالى qui nous facilite et on fait des efforts. ثم il a précisé أن tous les hadiths qu'il a cités et il n'a pas fait de précision avec qui c'est qu'il a rapporté, c'est que c'est des hadiths qui sont في صحيح البخاري ومسلم. فمثلا on a plusieurs hadiths la yaqul shay, cite le hadith et la yadhkur qui c'est qu'il a rapporté. Enfin, qala, c'est que c'est dans le Bukhari et Muslim. Et quand il précise, enfin, il précise. Walhamdulillah, on a lu cette nusra avec le tahqiq de Sheikh Abu Amr, waffaqahu Allah ta'ala li kulli khayr, et ouais, il a précisé qui c'est qui a rapporté, il a akhir. Qala akhiruhu, walhamdulillahi wahdah. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني ça c'est من السنة de finir avec الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة جميلة. Révisez-la. Aujourd'hui c'était notre dernier cours et on a fini ولله الحمد le premier livre qu'on voulait étudier ensemble في العقيدة الاقتصاد في الاعتقاد de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah, révisé hatta après fin inshallah après le Hajj, la fin du mois de Dhul-Hijjah, et ça correspond à fin août. On reprendra les durous avec l'étude d'un autre livre al-Aqida pour compléter hada al-Qawaid al-Mutla de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi. On l'avait déjà étudié avec certains frères. Et alhamdoulilah, c'est ce genre de livre, il faut les répéter, hatta c'est maîtrisé. Enfin, révisez, relisez le livre, ça va vous entraîner en langue arabe. Les mots que vous n'avez pas compris, on n'a pas tout traduit, vous faites les recherches. Et alhamdoulilah. Et les révisions qu'on a faites ensemble à chaque début de temps, ça montre que vous avez compris. Enfin, continuez. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. للجميع كما قلنا on a fini كذلك aujourd'hui ensemble الأجرومية فالحمد لله. Après la coupure, après l'interruption, on reprendra des cours en langue arabe avec l'étude du livre. On continuera l'étude de Kitab al-Ta'bir, le tome 2, avec la révision de الأجرومية avec des schémas. Et كذلك, ça c'est les cours d'arabe. Amma, dans l'aqida, on continuera avec le Qawaid al-Mutla tous les mardis, jeudis, dimanches. Et kadhalik, on continuera le Riyad al-Salihin, Kitab al-Ikhlas. On continuera, nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-Thabat. Et on essaiera, bien sûr, bi'idnillah, de propager ces durous bientôt. Man indahu shay, yatafaddal. أو نكتفي بهذا